J'avais prié votre fille de rendre le père Toul heureux, et elle me l'a jeté dans la crotte. Ce n'est pas bien. Je ne m'intéresserai plus à personne. Voilà ce que c'est que de se livrer à la bienfaisance. La bienfaisance n'est décidément bonne que comme spéculation. Olympe devait au moins m'avertir de ce tripotage-là. Si vous retrouvez le père Toul d'ici à 15 jours, je vous donnerai 1000 francs. C'est bien difficile, ma bonne dame, mais il y a bien des pièces de 100 sous dans 1000 francs, et je vais tâcher de gagner votre argent. Adieu, madame Bijou. En entrant dans son boudoir, la cantatrice y trouva madame Hulot complètement évanouie. Mais malgré la perte de ses sens, son tremblement nerveux la faisait toujours tressaillir, de même que les tronçons d'une couleuvre coupée s'agitent encore. Des sels violents, de l'eau fraîche, tous les moyens ordinaires prodigués rappelèrent la baronne à la vie, ou si l'on veut, au sentiment de ses douleurs. « Ah, mademoiselle, jusqu'où est-il tombé ? » dit-elle en reconnaissant la cantatrice et se voyant seule avec elle.